Si je pouvais retourner dans le passé ou connaître mon futur, est-ce que j'y retournerais? Si je pouvais changer ma vie ou naître ailleurs qu'ici, changer de corps ou d'esprit, oublier tout souvenir en bien. Les rejouer, les repasser, matérialiser le futur, l'avenir est si loin quand l'esprit ne va plus rien. N'a plus rien, rien. Si courber le temps influencerait-il le présent? Pour avoir mal, il faut avoir connu le bien. Si l'on est dans le malheur, c'est peut-être mieux qu'ici, dans le froid, puis la chaleur.